Auditrices, amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes à l'écoute du calendrier des esclavages et des libérations. L'émission du lundi soir, depuis 7-8 ans maintenant, 9 ans hein, peut-être. Ce soir, bien, il sera question de, bien évidemment, du calendrier des esclavages et des libérations. Et puis ensuite, la revue de presse. Clément Viktorovitch nous parlera de Éric Zemmour, la rhétorique d'Éric Zemmour, la rage d'Alexis Corbière sur Christophe Castaner. Ah oui, il s'est fâché, Alexis Corbière, on le comprend. Le média bulle financière en politique des banques. Ensuite, le 5 décembre, nous manifesterons. Le 5 décembre, hein, faut pas oublier, c'est le 5 décembre, la manif. Chanson, donc, retraite, le 5 décembre, ce qu'en dit Jean-Luc Mélenchon. Yvan Le Bolloc nous dit ce qu'il pense. Ensuite, le média, le 5 décembre, indésirable chez Griveaux. Ah oui, oui, oui. La presse s'est présentée chez Griveaux. Et puis, le média, lui, il est resté à la porte. Interdiction d'entrée. Ah oui, oui. Les gens qui nous gouvernent, c'est-à-dire pour lesquels vous avez voté, chers amis auditeurs, chers amis auditrices, eh bien... Voilà ce qu'ils font, voilà où ils en sont. Au-delà de l'attentat du petit Clamart, hein, là, ça, une histoire qui est un peu plus longue, l'attentat du petit Clamart. Oui, voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée, quand même. Hein, et voilà. Et un séjour pour de bonnes nouvelles, le plus possible de bonnes nouvelles. J'aimerais un jour faire un calendrier uniquement avec des bonnes nouvelles. Vous vous rendez compte? Uniquement des bonnes nouvelles. Ça serait drôlement bien. Le calendrier des esclavages et des libérations du 9 décembre. Le 9 décembre 1831, en France, à Lyon, Justin Desplanques, marchand de cirage, est emprisonné pour avoir voulu vendre sans permission un récit de la lutte des Canuts, suivi d'une complainte sur les victimes

La revue de presse, la revue de presse. Bon, si vous y tenez. Revue de presse, donc. Flamanville, rapport accablant. C'était le mardi 29 octobre 2019. Un audit sur les déboires du réacteur à eau pressurisée de Flamanville dans la Manche dresse un bilan noir de ce chantier emblématique. Le gouvernement exige d'EDF un plan d'action sous un mois. Le 29 octobre, ça fait plus d'un mois. Vous avez entendu parler de nouveau de ce plan d'action, là? Non. Non. Au gouvernement, on parle. On parle, puis bon, on agira plus tard, peut-être, un jour. Voilà. On parle. Alors, impossible débat, le mercredi 30 octobre 2019. Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre de l'Intérieur. Ce qui est menacé, c'est la paix civile elle-même. Que vous inspire cette énième relance du débat sur la laïcité? On a besoin de concepts clairs sur ces sujets qui sont des sujets minés. Beaucoup de démagogues interviennent avec des vues courtes. Ils ne se rendent pas compte que ce qui est menacé, c'est la paix civile elle-même. L'exemple des guerres de religion nous rappelle que celles-ci avancent à très bas bruit. La première exécution au temps de François Ier a eu lieu en 1623. Le massacre de la Saint-Barthélemy, c'est 1672, c'est-à-dire 50 ans après. Vous voyez, les choses avancent, tantôt très vite, tantôt très lentement, hein, mais de toute façon, ça avance, et pas forcément dans le bon sens, bien sûr. Et voilà. Offre d'emploi. Alors voilà, c'était le mardi 12 novembre 2019, Vosges Matin. La seule offre d'emploi qui figure sur cette page, avec pour titre offre d'emploi, eh bien, en dessous, il y a un sous-titre, et c'est travaux décoration. Vend 71 stères de charme, 40 € le stère, 37 stères d'hiver, 30 € le stère, 84 stères de chêne, 38 € le stère, bord de route, heure des repas. Voilà. Alors, ils appellent ça une offre d'emploi. À Vosges Matin. Vosges Matin, vous savez le journal Vosges Matin, hein? Ah oui, il est fait pour nous informer ce journal-là. Eh bien, voyez, la seule offre d'emploi qui est parue le mardi 12 novembre 2019, c'était pas une offre d'emploi, c'était n'importe quoi. Voilà, c'était une vente de bois. Alors alors est-ce qu'on doit faire un chèque pour payer un abonnement à ce genre de journaux? Hein, des journaux qui consacrent 12 pages aux résultats du sport du dimanche et qui ne consacrent pas une ligne au chômage. Le chômage qui est quand même le tout premier problème de la France et des Français. Le tout premier problème. Si un jour la société française vient à exploser, eh bien ce sera à cause du chômage. Ben oui, comme Hitler a été élu en 1933 en Allemagne, à cause du chômage. À cause du chômage. Et de la misère qui va avec, bien sûr. Les policiers veulent du concret concernant leurs conditions de travail. Conditions de travail compliquées, sentiment d'impuissance face à la jeune délinquance, travail administratif chronophage au détriment des enquêtes sur le terrain, manque de considération, etc. Alors depuis début d'année, plus de 50 policiers ont mis fin à leur jour. Alors voilà, ils sont pas contents. Alors ils se sont réunis l'autre fois avec le député Christophe Lejeune qui a écouté attentivement les membres d'Alliance pendant 2 heures environ, hein, pendant plus de 2 heures. Voilà. Ensuite, votre don au réseau, sortir du nucléaire, rend un monde sans nucléaire possible. Vous nous donnez des moyens d'agir sur le terrain et en justice. En 2019, grâce à vous, telles de petites fourmis, les actions que nous menons et celles que nous soutenons grignotent peu à peu les jambes du géant nucléaire. Au quotidien, nous scrutons les incidents, pollutions et fraudes dans les centrales et unités nucléaires et attaquons. Chaque fois que nécessaire, les industriels pollueurs et menteurs. Contre la stratégie du fait accompli d'EDF, contre l'implantation d'usines polluantes, contre l'EPR de Flamanville, en 2019, nous avons déposé 7 actions en justice, dont nous attendons les résultats et obtenu 2 victoires contre EDF. Cette mission est un travail de longue haleine qui nécessite d'autant plus votre soutien, votre soutien. Grâce à vous, nous avons pu soutenir des initiatives partout en France. L'Atomic Tour, qui pendant ses 6 mois d'itinérance a tissé des liens entre nos groupes, D'autres luttent, et les citoyens, une simulation de blocage d'un faux convoi de combustible nucléaire entre Chinon et l'EPR de Flamanville pour alerter sur les dangers du démarrage de ce réacteur. Les événements festifs et militants des Bures Lesques et le vent de Bure ont dynamisé la lutte locale malgré la répression forte, dont elle est victime. Enfin, les nombreux ciné-débats en partenariat avec Fukushima, le couvercle du soleil et retour à la normale ont permis à de nouveaux publics de prendre conscience du danger nucléaire. Autre chose, le capitalisme de marché se nourrit des inégalités sociales. Vosges Matin du dimanche 24 novembre 2019. Il a dirigé l'Organisation mondiale du commerce. Pascal Lamy porte un regard sur les soubresauts du monde 20 ans après les grandes manifestations des altermondialistes contre la mondialisation des échanges. Donc le capitalisme de marché se nourrit des inégalités sociales. C'est grave. Michel Demange à Saint-Étienne est candidat. J'ai toujours la flamme. 75 ans après les GI, le camp du Struthof est toujours là. L'après-congrès 2019 au Mans de la FGR-FR, la Fédération Générale des Retraités, fonction publique, première réunion du groupe Fiscalité le 19 novembre au siège. Le gouvernement ne mène aucune réflexion d'ensemble sur la fiscalité. Tout au plus met-il en œuvre les solutions les plus ultralibérales. Eh oui, solutions les plus ultralibérales. Toujours. Vous en avez marre de ces grèves et de ces blocages. Point d'interrogation. Faites-le savoir. Point d'exclamation. 5 points d'exclamation. Coupon à envoyer à votre employeur et au gouvernement. Ah, voilà l'occasion d'agir personnellement, fermement, montrer qu'on a du courage, montrer qu'on a des idées, qu'on a le courage de ses idées. Je sous-signais, nom, prénom, alors demande à ne pas bénéficier, des améliorations que les travailleurs en grève pourront obtenir, par exemple, je demande à travailler au moins jusqu'à 67 ans. Voilà. Je veux pouvoir être licencié plus facilement, qu'il s'agisse d'une incapacité due à un accident du travail ou à une diminution des bénéfices de mon entreprise. Je souhaite que mes indemnités soient réduites en cas de licenciement, y compris en cas de licenciement abusif. Je suis favorable à ce qu'il y ait un droit du travail par entreprise et non plus les mêmes droits pour tous. Je ne souhaite plus passer de visite médicale du travail. Je veux que mes horaires de travail, durée et répartition puissent être modifiés n'importe quand. Je veux pouvoir travailler jusqu'à 60 heures par semaine et même sans limite en cas de forfait jour. Bon. Je souhaite que mes heures supplémentaires soit moins bien rémunéré, et je suis d'accord pour qu'elle ne me soit pas payée, qu'elle ne me soit payée que tous les 3 ans. Je suis d'accord pour que mes dates de départ en congé puissent légalement être modifiées moins d'une semaine avant mon départ. Je souhaite que tous les acquis sociaux soient remis à zéro tous les 5 ans. Je suis favorable à l'étouffement des services de l'inspection du travail. Merci de répondre favorablement à mes demandes, date et signature. Alors, en option, pour préparer l'avenir avec modernité, je ne souhaite plus bénéficier des améliorations gagnées par le passé. Je renonce à mes congés payés. Je renonce à la sécurité sociale. Je ne veux plus de salaire minimum. Je suis favorable à l'interdiction des syndicats et du droit de grève. Alors, moi, je serai à la manif du 5 décembre à Épinal. Et je regarderai ceux qui sont absents. Eh bien, ceux qui sont absents, ils ont intérêt à remplir le questionnaire dont je viens de parler tout à l'heure parce que il faut quand même de temps en temps mettre ses idées en accord avec ses actions. Il faut de temps en temps avoir le courage de penser ce qu'on dit, de dire ce qu'on pense et de le faire savoir, de temps en temps. Comme disait Jean-Luc Mélenchon, si vous êtes mouton, vous serez tondu. Alors, on va voir le 5 décembre ceux qui ne sont pas moutons, ceux qui ont envie de se battre pour eux et pour les autres, ceux qui ont un peu de là où il faut, comme on dit. Hein? Oui? Ben, on verra bien. Hein? Vosges, Daniel Gremillet intègre la commission d'enquête sur Lubrizol. Le sénateur Daniel Gremillet intègre la commission d'enquête mise en place par le Sénat afin d'évaluer l'intervention des services de l'État dans la gestion des conséquences environnementales, sanitaires et économiques de l'incendie de l'usine de Lubrizol à Rouen. Alors c'était le 20-10-19. Le 20 octobre 1919. 2019. Le 20 octobre 2019. Vous avez entendu parler de nouveau de... Non, hein? Ben non. Des mots, encore des mots, toujours des mots. Toujours les mêmes, disait Dalida. Bernard Arnault, 800 euros par seconde. Il gagne 800 euros par seconde. À lui seul, il pourrait payer toutes les retraites. À lui seul, il pourrait payer toutes les retraites. Alors, ma foi, on verra bien combien on est le 5 décembre à Épinal. Hein? Ben oui, s'il y a des gens qui sont suffisamment nombreux à avoir suffisamment de courage pour se bouger, eh bien, on doit pouvoir bouger les choses. Eh oui, ben oui, voilà, c'est une question de courage. Mais bon, il faut pas se faire trop d'illusions non plus, hein? Eh non, mais non, mais non. Il y a eu, pendant la guerre, il y a eu 5% de résistants, au maximum. 5%. Ah oui, 5%. Il y a 5% de collaborateurs aussi. Oui, des gens qui ont fricoté avec les Boches. Et puis, ben, il y avait 90% entre les deux, qui n'étaient ni résistants, ni collabos, qui étaient des moutons. Voilà. Qui attendaient que ça se passe. Qui attendaient de voir l'avenir. Hein? Ah oui. Ben oui, regardez dans le marc de café, peut-être pour savoir comment ça allait tourner. Eh oui, s'il n'y avait pas eu 5% de résistants, le débarquement, il n'aurait même pas pu avoir lieu. Ben oui. Parce que s'il n'y avait pas eu tous les résistants pour fournir les renseignements aux alliés et faire les sabotages nécessaires pour que les renforts allemands n'arrivent pas en Bretagne, en Normandie à temps voulu, eh bien le débarquement, il était rejeté à la mer. Tous les soldats qui auraient tenté de débarquer ont été massacrés du premier jusqu'au dernier. Et à l'heure qu'il est, ben, enfin voilà. Oh, je vous laisse imaginer la suite. Ce qu'aurait été la suite. Hein. Ah oui, ben, il serait plus question de parler français. Hein. Tout le monde parlera allemand. Enfin, les survivants, les descendants des survivants. Ah oui, parce que les autres, ben, parfois, on n'en parlerait même plus. Hein. Voilà. La série documentaire Netflix sur l'affaire Grégory cartonne. Abondamment illustrée d'archives inédites, ponctuées par les impitoyables enregistrements de Jean Kerr, l'ancien journaliste de Paris Match, les 5 épisodes consacrés à ce fait divers hors normes sont une indiscutable réussite. Ça cartonne, ça fait du temps d'antenne, ça fait de l'audience. Oui, mais voilà, sera-t-on vraiment informé? Est-ce qu'on saura un jour la vérité? Hein, ça serait bien qu'on sache un jour la vérité. Hein, ouais. Alors, tiens, une page de publicité nucléaire, et non, on ne réchauffe pas la planète. La preuve, selon les chiffres du GIEC, le nucléaire émet 40 fois moins de CO2 que le gaz. Alors, le gaz, oui, il émet un peu de gaz carbonique. Ben oui, quand on fait brûler un hydrocarbure, ça produit du gaz carbonique. Le nucléaire ne produit pas de gaz carbonique dans les centrales nucléaires, ça produit de la vapeur d'eau. Et puis la radioactivité, et puis des déchets nucléaires qui seront dangereux pendant des milliers d'années. Dangereux pendant des milliers d'années. Et puis, pour extraire l'uranium, il faut consommer beaucoup de carburant, c'est-à-dire brûler beaucoup de carburant, c'est-à-dire produire beaucoup de CO2. Pour transformer, concasser le minerai, le transformer, le transporter, le conditionner, etc. Là encore, il faut beaucoup de carburant. Hein? Donc, on produit beaucoup de CO2 avec les centrales nucléaires. Alors, donc, cette publicité, c'est à la fois une publicité et une grosse page de mensonges. Et cette page-là, bien sûr, elle est parue dans la revue du dimanche de Vosges Matin, et c'est un gros, gros mensonge. Alors ceux qui ont pu accepter de publier ça, ben, ma foi, et peut-être qu'ils ne valent pas mieux que la publicité elle-même, hein, à vous de juger. Vous voyez, un foyer des travailleurs pour une population en grande difficulté, c'est en Saint-Étienne-lès-Remiremont. Il y a des gens en grande difficulté en France, dans les Vosges, à Saint-Étienne-lès-Remiremont. Des gens en grande difficulté, vous croyez? Un pays moderne comme la France, social comme la France, oh, avec des députés, des sénateurs, des maires, des conseillers départementaux, etc., etc., aussi efficaces que ceux qu'on a, que ceux pour lesquels on a voté, ou pour lesquels vous avez voté peut-être, je ne sais pas. Oh, ça serait étonnant quand même. Ça serait étonnant qu'on ait besoin d'un foyer des travailleurs pour une population en grande difficulté. Tiens, moi qui croyais que la France était un pays très très moderne dans tous les, pour toutes les raisons, notamment pour ce qui est social, hein, oui, ben non. Apparemment, ben, il y a 6 millions de chômeurs en France quand même, il y a 10 millions de pauvres, il y a des centaines de milliers de sans-abri, hein. Mais ça ne dérange pas nos maires, nos députés, nos sénateurs, notre élite, quoi, notre élite nationale, ceux pour qui on a voté. On. Bon. Mais qui voulait derrière ce on? L'usine Parisot sauvée, 345 postes maintenus. Oh, c'est assez un loup sur semouse. Bon, on verra combien de temps ça dure. Une femme décède à Belfort malgré 5 appels aux urgences. Anne-Sophie Fournier, une Belfortaine, a perdu sa mère au cours du mois de septembre, victime d'un arrêt cardiaque. Aujourd'hui, elle porte l'affaire devant la justice, estimant qu'il y a eu trop de manquements dans la procédure de secours, notamment concernant le temps d'intervention. Très, très grave. On vit dans une société comme ça. Vous vous rendez compte un peu, hein, tous les gens pour lesquels on a voté et qui ne font rien pour améliorer le sort de la population, c'est-à-dire notre sort. Et puis le leur par la même occasion, parce que eux aussi reçoivent des conséquences directes et indirectes de leur politique. Eh oui, violence conjugale, protéger les enfants. Eh oui, il faut protéger les enfants. Avant, pendant, après. Enfin. 13 de nos militaires sont morts hier au Mali. Ils étaient engagés dans une opération de combat contre des terroristes. Ces 13 héros n'avaient qu'un seul but, nous protéger. Je m'incline devant la douleur de leurs proches et de leurs camarades, disait Emmanuel Macron, c'était il y a quelques jours. Nacera, alors elle répond, faux. Ces 13 militaires ne sont pas morts pour la France ou pour nous protéger. Ils sont morts pour vos intérêts économiques. Ils ont été envoyés au Mali pour sécuriser le pillage de l'uranium. Ils ont été envoyés au Mali pour sécuriser le pillage de l'uranium sous couvert de lutte contre le terrorisme. Areva est devenu Orano depuis 2018, Orano qui fait penser à uranium. Son chiffre d'affaires s'élève à près de 4 milliards d'euros. L'État français est l'actionnaire majoritaire. Les 13 militaires ont été sacrifiés par l'élite pour ses intérêts. Alors l'élite, on ne dit pas s'il s'agit de l'élite politique, de l'élite économique, de l'élite financière, de l'élite industrielle, de l'élite de l'industrie du nucléaire. À vous de trancher. Le député Naegelen, la Légion d'honneur et le civisme fiscal. C'est par une lettre ouverte que le député vosgien Christophe Naegelen a interpellé la grande chancellerie de la Légion d'honneur afin que cette dernière ne soit plus attribuée aux Français qui ne font pas preuve de civisme fiscal. Ces Français qui ne font pas preuve de civisme fiscal. Thank you. Henri Parc, t'as encore passé un week-end phénoménal. J'ai passé un formidable week-end, puisque moi aussi j'ai regardé la convention de la droite et j'ai écouté le discours d'Éric Zemmour. Alors sans surprise, pendant tout son discours, Éric Zemmour a surtout parlé d'un sujet. L'universalisme islamique, islamique. Islamique, les islamistes, religion musulmane, pas musulman. À l'islam, oui, l'islam, l'islam. Islamophobie, islam. L'islam, islamique et du halal, islamique. On va m'accuser d'islamophobie, j'ai l'habitude. Alors, ce qui est intéressant... J'ai déjà mal au crâne, en fait. Et ça ne fait que commencer, Mouloud. Ce qui est intéressant dans ce discours, c'est surtout son contexte. Ici, Éric Zemmour est parmi les siens. Il parle devant un public tout acquis à sa cause. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'il ne prend donc aucune précaution et ça nous permet d'avoir un accès direct au fond de sa pensée, dans sa réalité la plus crue et la plus explicite. Et ce que pense Éric Zemmour, c'est ça. Tous nos problèmes sont aggravés. Je ne dis pas créés, mais aggravés par l'immigration. Et tous nos problèmes aggravés par l'immigration sont aggravés par l'islam. Il y a une continuité entre les vols, viols, trafics, jusqu'aux attentats de 2015, en passant par les innombrables attaques au couteau dans les rues de France. Ce sont les mêmes qui les commettent, qui passent sans difficulté de l'un à l'autre pour punir les koufars, les infidèles. C'est le djihad partout, et le djihad pour tous et par tous. Bon, alors là, on a un thème finalement classique, à la fois d'Éric Zemmour et plus généralement de l'extrême droite. Il nous explique... Pardon, je ne savais pas que vous alliez avoir une rubrique aussi comique que ça. Non, mais je vous écoute avec beaucoup d'attention. Je suis... J'en reste pantois. Et là encore, ça ne fait que commencer. Oui. En fait, ce que nous explique Éric Zemmour, c'est que l'immigration en général, et l'islam en particulier, il le nomme, sont responsables de tous les maux de la société, et notamment de l'insécurité. Mais la spécificité d'Éric Zemmour, c'est que cette logique, il la pousse un cran plus loin, puisqu'il établit une continuité directe entre la petite criminalité et le terrorisme. Quand on écoute Éric Zemmour, pour lui, tous les musulmans sont des délinquants potentiels, et chacun de ces délinquants est un terroriste en puissance. Et encore, Éric Zemmour va plus loin, puisque pour lui, les musulmans ne se contentent pas de nous menacés, ils veulent également nous remplacer. À l'époque, le dynamisme démographique de notre continent a permis aux Blancs de coloniser le monde. Ils ont exterminé les Indiens et les Aborigènes, asservi les Africains. Aujourd'hui, nous vivons une inversion démographique qui entraîne une inversion des courants migratoires, qui entraîne une inversion de la colonisation. Je vous laisse deviner qui seront leurs Indiens et leurs esclaves. C'est vous. Alors là encore, on se retrouve la même chose, un thème classique d'Éric Zemmour et de l'extrême droite, le grand remplacement. Et à nouveau, la spécificité du discours d'Éric Zemmour, c'est qu'il pousse la logique un cran plus loin jusqu'à la rendre caricaturale, puisque pour lui, les Français qu'il nomme de souche ne risquent pas seulement d'être mis en minorité sur leur territoire, ils risquent même d'être réduits en esclavage, voire exterminés, le mot est dans sa bouche. Mais Éric Zemmour s'arrête toujours pas là, il pousse la logique jusqu'à son terme, puisque l'islam est, je le cite, une opération militaire d'occupation. Il va nous falloir résister. Les jeunes Français vont-ils accepter de vivre en minorité sur la terre de leurs ancêtres? Si oui, ils méritent leur colonisation. Sinon, ils devront se battre pour leur libération. Ne croyez pas les optimistes qui vous disent que vous avez tort d'avoir peur. Vous avez raison d'avoir peur. C'est votre vie en tant que peuple qui est en jeu. C'est terrible, ces gens. Ce sont des cancers. Hein. Franchement, c'est une métastase, ce mec. C'est terrible, quoi. C'est terrible que nous restions comme ça à disséquer ces conneries en se disant, et puis on retourne à autre chose. C'est incroyable. Il faut faire quelque chose. Il faut se bouger. Il faut faire quelque chose. On peut pas. Il a été condamné. Et justement, moi, je crois qu'il faut écouter les mots d'Éric Zemmour. Le mot est clair. Il explique que les Français vont devoir se battre. C'est au mieux un appel une résistance diffuse. Au moins, ça les fera résister une fois dans leur vie à ceux n'ont jamais résisté quand il fallait résister. Mais déjà. Au pire, c'est un appel explicite à la violence. Donc ici, on a ce qu'il faut bien appeler une forme de radicalité. Éric Zemmour pousse à son terme la logique politique xénophobe. Mais ce qui choque, au-delà de la radicalité, c'est l'absence de doute. Quand on écoute Éric Zemmour, il n'y a pas un atome de doute dans ce qu'il nous raconte. Ça se voit dans le discours parce qu'il n'y a pas de ce qu'on appelle forme de modalisation. La modalisation, c'est tous les outils qui permettent d'introduire du doute, de l'incertitude. Peut-être, cela pourrait être. Chez Éric Zemmour, rien de tout cela. Et pour moi, l'absence de doute, c'est précisément ce qui sépare les discours radicaux des discours extrémistes. Quand on écoute Éric Zemmour ce week-end, on peut désormais qualifier son discours. C'est un discours extrémiste. Raciste, qui a une cible en particulier, les musulmans. Aujourd'hui, on célèbre Jacques Chirac. En 2002, À propos du réchauffement climatique, Jacques Chirac nous disait « Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas ». Après ce week-end, il en va de même pour Éric Zemmour. Voilà. « Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas ». Exactement. Merci Clément, merci beaucoup. Bravo Clément. Bravo. Car certains ont cru qu'en votant pour vous, on défendait les libertés fondamentales contre une candidate. Et vous faites aujourd'hui une sale besogne que beaucoup de gens n'auraient jamais imaginée. Non, monsieur le ministre de l'Intérieur, vous feuilletez un journal pendant que je vous parle. Mais ce bilan, non, non, mais je vous en prie. Oui, oui, moi je vous regarde. Continuez, monsieur le député. Mais votre bilan. N'interpellez pas, monsieur le ministre. Ne cherchez pas l'incident. Continuez. Continuez. La liberté, c'est l'esclavage. Vous nous avez habitués à cet exercice en nous disant que faciliter les licenciements crée de l'emploi. Tout à l'heure, la garde des Sceaux nous a dit que pour défendre les sources, il faut le droit de perquisitionner des journaux. Et vous continuez, monsieur le ministre de l'Intérieur, à nous dire que pour défendre le droit de manifester, il faudrait le restreindre. Nous n'acceptons pas cette logique. Nous n'acceptons pas son caractère pervers politiquement. Dites aux citoyens, et je le dis notamment pour dénoncer l'article 2, vous rompez tout l'édifice de la justice et ce qui était nos principes fondamentaux. Désormais, quelque chose d'aussi grave que l'interdiction de manifester, ne sera plus une décision de justice rendue par un juge, mais par un préfet qui est le représentant de l'autorité politique du gouvernement. Oui, exactement. Nous revenons là à une chose fondamentale. Souffrez du fait que précisément le droit de manifester est un bien précieux qui concerne notamment ses opposants. Le droit de manifester pour dire, pour critiquer un gouvernement, pour dire des choses qu'un gouvernement n'accepte pas, pour dire des choses précisément qui vont à l'inverse de votre politique. C'est donc quand on a la lourde responsabilité de gouverner un pays, on doit faire en sorte que ce droit de critiquer, ce droit de manifester est quelque chose qui, lorsqu'il est restreint, ne peut être qu'à l'occasion d'une décision de justice et certainement pas d'une décision politique. Et c'est bien cet outil que vous êtes en train de forger. Écoutez les voix qui vous critiquent, monsieur le ministre et mes chers collègues, écoutez-les, non seulement les nôtres, mais elles viennent de vos rangs. Elles viennent de gens qui vous ont aidé à prendre le pouvoir. Elles viennent notamment de l'avocat, monsieur Sureau, qui est l'homme qui a écrit et rédigé les premiers statuts de la République en marche et qui vous disent aujourd'hui que cette loi intimide non pas le citoyen, mais non pas le délinquant, mais le citoyen. Et je ne citerai pas les nombreux députés En Marche, et je les félicite qui ont fait entendre plus que de l'émotion, mais même une critique très rude en jugeant cette loi liberticide, inutile. Écoutez le syndicat de la magistrature qui vous dit que c'est une privation de la liberté qui ne repose pas sur des faits précis, mais sur des supputations. Tout ça est grave, mes chers collègues. Vous avez été élus au second tour pour l'essentiel, car certains ont cru qu'en votant pour vous, on défendait les libertés fondamentales contre une candidate. Et vous faites aujourd'hui une sale besogne que beaucoup de gens n'auraient jamais imaginée à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle. Votre bilan est terrible. Vous vous en êtes pris avec votre loi immigration, précisément en vous opposant au délit et au devoir de solidarité. Dans la loi de sécurité intérieure, vous avez gravé des dispositions de l'état d'urgence dans le droit commun. Dans votre loi fake news, vous avez restreint la liberté de la presse et la liberté d'expression. Dans la loi sur le secret des affaires, vous remettez en cause notamment le travail d'investigation des journalistes, l'anonymat et la protection des sources. Votre réforme de la justice s'en prend à la séparation des pouvoirs. Et votre loi vient aujourd'hui s'ajouter à cette longue liste qui a pour toile de fond un terrible bilan. Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous feuilletez un journal pendant que je vous parle. Mais ce bilan, non, mais je vous en prie. Oui, oui, moi je vous regarde. Continuez, monsieur le député. N'interpellez pas monsieur le ministre. Ne cherchez pas l'incident. Continuez. 3 000 blessés. Oui, scandaleux, effectivement. 3 000 blessés, un décès, 396 blessures graves. 12 passants ont été blessés. 44 journalistes depuis le début du conflit sont blessés et 8 soigneurs, notamment en raison d'un matériel, notamment ces LBD flashball, dont nous aurions dû discuter, non pas pour déshabiller nos forces de l'ordre face à ceux qui les agressent, mais pour peut-être réfléchir et nous inspirer de ce que font d'autres pays d'Europe pour maintenir l'ordre. Voilà où nous en sommes. Cette loi est une loi scélérate à tous ceux qui ont fait entendre leur conscience dans la presse, au-delà de nos rangs. Je leur dis, contre cette loi qui restreint le droit de manifester, manifestez-vous et votez contre, comme nous. Merci. Je fais annoncer le scrutin. Il se peut que je vous déplaise en peignant la réalité, mais si j'en prends trop à mon aise, je n'ai pas à m'en excuser. Le monde ouvert à ma fenêtre, que je referme ou non au vent, s'il continue de m'apparaître, comment puis-je faire autrement? Je ne chante pas pour passer le temps. « Le monde ouvert à ma fenêtre, comme à l'eau claire le torrent, comme au ventre l'enfant à naître, et neige la fleur au printemps. Le monde ouvert à ma fenêtre, avec sa tulie, ses horreurs, avec ses armes et ses reîtres, avec son bruit et sa fureur. Je ne chante pas pour passer le temps. Mon Dieu, tout assumé, l'odeur du pain et de la rose, le poids de ta main qui se pose comme un témoin du mal d'aimer. Le cri qui gonfle la poitrine de Lorca, Mayakovsky, des poètes qu'on assassine, ou qui se tue pourquoi, pour qui. Je ne chante pas pour passer le temps. Le monde ouvert à ma fenêtre, et que je brise ou non la glace, s'il continue de m'apparaître, que voulez-vous donc que j'y fasse? Mon cœur, si tu t'arrêtes, comme un piano qu'on désaccorde, qu'il me reste une seule corde, et qu'à la fin mon chant répète. Je ne chante pas pour passer le temps. Du point de vue monétaire, la France, comme tous les pays développés, connaît une situation sans précédent. Les taux d'intérêt sont extrêmement faibles, nuls et parfois même négatifs. Ainsi, les banques européennes s'endettent à taux zéro auprès de la Banque centrale européenne et leurs dépôts sont rémunérés à un taux négatif de moins 0,5%. Ainsi, l'État français peut s'endetter à 10 ans à moins 0,25%. Les marchés financiers payent pour détenir de la dette publique française parce qu'ils ne trouvent pas d'autres placements sans risque mieux rémunérés. Aux États-Unis, les taux sont un peu plus élevés, de l'ordre de 1,7%. En sens inverse, ils sont nuls au Japon. Normalement, les taux d'intérêt devraient être à peu près égaux au taux de croissance de l'économie en valeur. Ils devraient donc être de l'ordre de 3,5% en Europe, de 4% aux États-Unis. Pourquoi sont-ils si bas aujourd'hui? Globalement, la demande mondiale est insuffisante. Cela s'explique par la victoire du capital sur le travail. Grâce à la mondialisation, à la menace du chômage, à la concurrence des pays à bas salaire, les capitalistes ont réussi à augmenter la part des profits au détriment de la part des salaires. Les inégalités sociales ont augmenté, les revenus des plus riches ont explosé, tandis que les salaires et les prestations sociales étaient comprimés. La consommation des classes populaires est limitée par leurs revenus, tandis que les riches, eux, accumulent une grande partie de leurs ressources. Les grandes entreprises font beaucoup de profits, mais investissent peu dans les pays développés parce que la croissance a ralenti et parce qu'elles préfèrent investir dans les pays émergents. Pour éviter une dépression permanente, la politique économique est donc obligée de soutenir l'activité. Aux États-Unis, le déficit public est très fort, 6,6% du PIB en 2019. En zone euro, les politiques d'austérité ont fait que globalement, le déficit public n'est plus que de 1% du PIB. Il faut donc utiliser massivement la politique monétaire et donc maintenir des taux d'intérêt nuls. Le modèle préconisé par le FMI et par l'OCDE, et celui où les entreprises font beaucoup de profits, n'ont pas besoin de s'endetter, les ménages épargnent beaucoup pour leur retraite, l'État a un solde public excédentaire. Si tous les agents sont excédentaires, personne n'accepte de s'endetter. La demande ne permet pas d'écouler la production. Le pays accumule des excédents extérieurs massifs. C'est le modèle allemand. Encore, faut-il trouver des pays qui acceptent de s'endetter, des pays qui rembourseront un jour? Ainsi, il existe dans l'économie mondiale des masses énormes de capitaux à la recherche de placements financiers. Les réserves des pays excédentaires, les avoirs des plus riches, ceux des fonds de pension dans les pays où les retraites publiques sont faibles, et aussi les profits des grosses entreprises multinationales. Cette masse de capitaux disponibles fait baisser les taux d'intérêt. Ces taux très bas sont censés soutenir l'activité. Certes, ils permettent à certains ménages d'acheter plus facilement un logement. Ils pèsent sur les petits épargnants, en particulier en Allemagne, à qui on avait dit de compter sur des placements financiers pour assurer leur retraite. Le problème, c'est surtout que les taux nuls favorisent les bulles financières spéculatives. Les spéculateurs s'endettent à bas taux d'intérêt, placent les fonds ainsi obtenus en bourse, ce qui fait monter les cours boursiers indépendamment du profit des entreprises. Les grandes entreprises se sont surendettées, non pas pour augmenter l'emploi ou pour augmenter la production, mais surtout pour distribuer des dividendes et se lancer dans des opérations aventureuses de fusion-acquisition avec le soutien aveugle des banques. On peut prendre comme exemple l'endettement de 100 millions d'euros de Mathieu Picasse, de 3 milliards de Jean-Charles Naouri, de 50 milliards de Patrick Drahi. Les taux d'intérêt ne peuvent être réduits sans attaquer de front aux causes du déséquilibre. La solution évidente serait d'augmenter les salaires et les prestations sociales dans tous les pays européens. Ce serait la consommation qui soutiendrait l'activité et non plus les taux d'intérêt. Mais dans chaque pays, les classes dirigeantes et les entreprises s'y refusent au nom de la compétitivité. Le crédit bancaire devrait être réorienté pour ne plus financer la spéculation financière, mais pour financer massivement l'activité productive. Enfin, la norme de 3% de déficit public devrait être oubliée. Chaque pays devrait profiter des bas taux d'intérêt pour organiser et financer un vaste programme d'investissement tourné vers la transition écologique. Chaque année, 3% du PIB devrait être investi pour développer les énergies renouvelables et surtout pour impulser les économies d'énergie par la rénovation des logements, par la rénovation urbaine, par les transports en commun. Quand arrive le samedi, sans faire de chichi ni faire de toilette, nous partons au galop avec mon costaud dans un bal musette. Où nous nous retrouvons, rien qu'entre mecton et vraie gigolette. Tournons, tournons, on fredonne au son de l'accordéon. Qu'est-ce qui dégote le foxtrot et même le chimie? Les pas anglais, la scottish et tout ce qui s'ensuit. C'est la java, la vieille mazurka du vieux Sébasto. Je suis ta ménesse, je suis ta gonzesse, tu es mon julot. Tout contre toi, serre-moi bien fort dans tes bras. Je te suivrai, je ferai tout ce que tu voudras. Quand tu me prends dans mon cœur, je sens comme un vertigo. J'aime ta casquette et le roux-plaquette et ton bout de mégot. Mais le boulevard Saint-Germain, les gens du gratin n'ont pas de principe. Dès que les puretins ont quelque chose de bien, il faut qu'ils nous le chiffent. À présent les mondains essaient, mais en vain, de copier nos types. Et les poules de luxe dans les salons se pâment en chantant à leur micheton. Qu'est-ce qui dégote le foxtrot et même le chimie? Les pas anglais, la scottish et tout ce qui s'ensuit. C'est la java, la vieille mazurka du vieux Sébasto. Je suis ta ménesse, je suis ta gonzesse, tu es mon jumeau. Tout contre toi, serre-moi bien fort dans tes bras. Je te suivrai, je ferai tout ce que tu voudras. Quand tu me prends dans mon cœur, je sens comme un vertigo. J'aime ta casquette, tes deux roues claquettes et ton bout de mégot. La parole est à monsieur Adrien Quatennens. Merci monsieur le président, monsieur le Premier ministre. Le 5 décembre, nous manifesterons. Nous manifesterons car tout le peuple français a intérêt au retrait de votre réforme des retraites. Nous manifesterons car la retraite est un outrage de la vie qu'il faut cajoler et non pas une équation à régler sur un coin de table. Nous manifesterons, car le système par points ne corrigera rien, des inégalités d'espérance de vie entre le cadre et l'ouvrier, entre le riche et le pauvre. Nous manifesterons car ni l'universalité ni la lisibilité ne sauraient justifier une harmonisation par le bas qui rendrait la vie plus dure. Nous manifesterons car nous refusons la division du peuple français que vous visez en agitant les régimes spéciaux qui ne concernent pourtant que 3% de la population active. Nous manifesterons car il est vain d'exiger des Français qu'ils travaillent plus longtemps alors qu'à l'âge de partir en retraite, un actif sur deux n'est déjà plus en emploi. Nous manifesterons car votre intention réelle n'est pas d'améliorer la vie, mais de faire des économies sur le dos des futurs retraités de ce pays. Nous manifesterons car en choisissant de plafonner à 14% la part des retraites dans le produit intérieur brut, alors que la part des seniors dans la population va continuer d'augmenter, vous allez baisser les pensions ou obliger les Français à travailler au-delà de l'espérance de vie en bonne santé. Nous manifesterons car nous comprenons ce que signifie la satisfaction des assureurs et des banques à l'idée de voir votre réforme s'appliquer. Nous manifesterons car nous savons qu'il est possible de financer d'autres choix. La liberté de partir à un âge où l'on n'est pas cassé par le travail, dès 60 ans, avec un niveau de pension digne. Nous manifesterons, et c'est votre rôle que de permettre au peuple français de le faire en toute sécurité, sans fracturer le pays ou trier les Français en permettant que des représentants de l'État se déclarent comme étant dans un camp adverse. Le 5 décembre, nous manifesterons sur cette réforme. Êtes-vous prêts à battre en retraite ? Un petit mot sur la réforme de retraite. Le chef, 350, non mais tu rigoles, un petit mot. Non, c'est la grande bataille. Alors, le pouvoir, c'est pas par quel bout vous attrapez. Hein. Bon, ils ont une peur bleue, ce qui va se passer le 5, et ils ont pas tort, parce que, comme dans le pays tout entier, il y a un fond de mécontentement, de colère, de désappointement, et aussi, de vexation. Ça, c'est nouveau en politique. Les Français sont vexés de voir à quel point ils se sont fait avoir, et à quel point ce pouvoir leur parle mal, agit mal, les prend pour des imbéciles. Hein. Et ce qui est fort de café, c'est que le nouveau système Macron, avec c'est pas le permis à points, c'est la retraite à points, chacun en fonction de son âge, c'est-à-dire de la génération à la cohorte à l'intérieur de laquelle il est, et en fonction de la durée de vie moyenne de cette cohorte, aura des résultats différents pour la valeur du point. Donc c'est totalement injuste de faire des niveaux de retraite en fonction de la mortalité dans votre tranche d'âge. Bon, de toute façon, maintenant, tout le monde va y perdre. Petit à petit, tout le monde commence à comprendre que tout le monde va y perdre. Donc, cette réforme, elle est mauvaise pour tout le monde. Mais je mets ça de côté, moi, je vais aller au fond de l'affaire. Depuis que la société humaine existe, ceux qui sont dans la force de l'âge, comme on dit, hein, ceux qui sont en état de travailler, se préoccupent de ceux qui ne sont plus en état de le faire. D'accord ? C'est comme ça. Depuis toujours, hein. Le plus fort aide le plus faible dans les groupes humains. Me dites pas le contraire, parce que nous autres, on est les héritiers de ceux qui s'entraidaient. Les autres, ils n'ont pas eu d'héritiers, vu que comme ils étaient absolument égoïstes, ben, ils se retrouvaient tout seuls au moment où ça allait mal, et donc ils mouraient. Et ça, c'est très darwinien, voilà la raison pour laquelle les survivants, c'est nous, nous sommes les descendants des altruistes, des gentils, de ceux qui partagent, qui s'occupent des autres. Donc la réforme Macron, c'est ça qu'elle rompt. Chacun a son petit tas de points, hein, et puis à la fin, il s'arrange avec son petit tas de points pour avoir sa retraite. Non, c'est pas l'idée qu'on s'en fait. La retraite par répartition, c'est bien, ça marche. Voilà ce que j'ai à vous dire sur la retraite. Si vous faites les moutons, vous serez tondu. Voilà. Donc le 5 décembre, il faut se mettre dans l'action. Et moi, je vais pas vous le demander en vous disant, pardon, s'il vous plaît, je vous caresse la tête. Non, maintenant, il s'agit de défendre le fondamental de ce à quoi on croit. Une société de solidarité et une société de partage. Hein. Et on arrête de regarder dans l'assiette du voisin pour dire « il en a plus que moi ». Parce que c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de défendre un bien commun. « Quel argument sortir aux jeunes de mon âge à la fac ?» dit Loïc, « pour les encourager à manifester et à faire comprendre que ça ne sert pas à rien de se mobiliser. » Non, mais qui vous a collé dans le crâne que ça servait à rien de se mobiliser ? C'est quoi ce truc ? D'où ça sort ? Et arrêtez de dire que ça sert à rien, c'est pas vrai. Toute lutte finit par payer. Alors bon, c'est pas tout de suite, c'est pas instantané. Ah bah ouais, ben c'est comme ça. C'est comme ça depuis que le monde est monde, parce que t'as des gens qui sont puissants, et nous, nous n'avons que la force de notre nombre. Donc il faut être rusé et habile pour savoir regrouper, mettre dans l'action, quand le rapport de force est pas bon, savoir reculer pour repartir à l'assaut. Il faut faire fonctionner sa tête. Alors qu'est-ce que tu peux dire aux gens ? peux dire aux gens, mais d'accord, faites les moutons, regardez. Vous n'avez rien fait jusque-là. Waouh, ça a payé. Regardez les beaux salaires que vous avez. Regardez comme vous avez les tarifs du CROUS qui sont géniaux. Regardez comme vous n'avez pas besoin d'aller travailler, poursuivre vos études. Donc la non-mobilisation, le résultat, c'est la vie que vous menez. Elle vous plaît? Non. Alors faut vous mobiliser. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Si vous faites les moutons, vous serez tondu. Est-ce que la grève du 5 décembre peut créer un point de bascule? Bah oui. Oui, oui, tout à fait. Si vous êtes nombreux dans la lutte le 5 décembre et dans la rue, eh ben oui, ça peut être un point de bascule. Enfin, ça peut donner du courage et comme on dit, la force va à la force. Hein. Ça peut être en effet un déclencheur le 5 si vous entrez dans l'action. Je crois qu'il y a une rencontre des syndicats le 6 le matin pour savoir si la journée du 6 la grève est reconduite. Et moi, je vous dis mon point de vue, hein, c'est pas très original, c'est faut battre le fer quand il est chaud. Les journées d'action sans lendemain, beaucoup de gens sont un peu se disent que ça sert moins que hein, que si c'était autrement. Donc, comme le 7, c'est un samedi, le samedi, tout le monde peut venir, sans que ça coûte une journée de travail. Donc, vous pourriez le 7 venir, parce que de toute façon, le 7, il y aura des gilets jaunes dans la rue. Alors, si on était très nombreux, ça ferait un 5 à 7, quoi. On passe du 5 décembre, on fait la grève massivement, et on est dans les cortèges dans la rue, et puis le 6, et puis le 7, le samedi, alors là, tout le monde serait là et pourrait participer à l'action. D'accord? Voilà comment moi je vois les choses. Au premier temps de la grève, c'est à peine si on s'en aperçoit. Au premier temps de la grève, il y a quelques trains qui ne roulent pas. Et les médias qui battent la mesure, répétant ce que pense le patronat. Les médias qui battent la mesure disent que la grève ça ne prend pas. Une grève des trains roulants qui nous tous nous défend, qui nous tous nous défend pour que la SNCF soit pas vache à bénef, parce que ce serait charmant. Une grève des trains roulants pour le service public. Pour le service public, c'est aussi sympathique qu'une grève des étudiants comme il y a 50 ans. Une grève des étudiants, c'est très enthousiasmant et très intéressant. Toute une génération qui se lève pour dire non au classement par l'argent. Une grève des étudiants, c'est tellement entraînant. Une grève ça s'entend aussi à Carrefour pour dire non toujours au plan socio-balou. Une grève chez Air France, en lutte pour leur salaire. Ça fait une belle alliance avec les fonctionnaires qui luttent sans aisance contre l'austérité. Une grève des éboueurs pour un service public de gestion des déchets, c'est sûr ce serait meilleur et ça tomberait à pic comme une grève des postiers. Une grève des postiers, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée, pareil organisée comme si c'était le privé et puis privatisé. Une grève des magistrats, une grève des avocats pour se mobiliser, de même que les greffiers contre l'austérité et de trop longs délais. Une grève de la santé, c'est une nécessité. Pour se payer le burn-out, les budgets au compte-goutte, patients et retraités ont besoin d'être soignés. Une grève dans les EHPAD, moins remuant qu'une ZAD, moins remuant qu'une ZAD, mais il serait grand temps, ce système est malade de son management. Une grève tous en même temps, c'est bougrement tentant. Salaire plus 10%, semaine de 32 heures pour un avenir meilleur, comme ce serait charmant. Face au gouvernement qui ment et hontément. Contre l'austérité du président des riches, une grève tous en même temps, nous tous on vous dit chiche. Au dernier temps de la grève, tous ensemble enfin on se bat. Au dernier temps de la grève, en même temps tous en grève on est là. Et le peuple qui bat la mesure, le peuple qui lance son combat. Et le peuple qui bat la mesure laisse enfin éclater sa joie. Et le peuple qui bat la mesure, le peuple qui lance son combat. Et le peuple qui bat la mesure laisse enfin éclater sa joie. Moi, je suis pour que les élus rendent des comptes. Et pas tous les 5 ans. Et pas tous les 4 ans, mais tous les ans. Aujourd'hui, on fera un RIC sur la présence de Castaner au ministère de l'Intérieur. Alors justement, voilà, on va y venir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais dehors, Mais dehors! Mais dehors! Mais enfin, comment c'est possible? Comment c'est possible quelqu'un qui est aujourd'hui ministre de l'Intérieur, comment il s'endort, Castaner? Comment il s'endort tous les soirs? Le cauchemar du gouvernement est en train de s'opérer. Vous avez Linda Kebab, qui est syndicaliste à la police. Dans une émission à la télévision, elle dit « Nous savons qui sont les Black Blocs. Nous pouvons les interpeller avant, de façon préventive avant les manifestations. Nous avons l'arsenal législatif pour le faire. Nous savons d'où ils arrivent, nous savons qui ils sont, et notre hiérarchie nous empêche de le faire. 26 éborgnés, 6 mains arrachées, 1000 blessés. Et je me suis dit, en même temps, ça va être très difficile. Ça va être très difficile parce que le bloc bourgeois, vous ne pouvez pas le fendiller comme ça. Une chose est sûre, c'est que si les 99% des richesses continuent à être captées par les 1% les plus riches de France... Mais là, quand je vous parle des riches, c'est les hyper riches, c'est uber riches. C'est des mecs, ils n'existent pas. Pour moi, ça n'existe pas. Quelqu'un qui gagne 5000 euros par seconde, ça n'existe. J'ai dû. Mais il faut quoi? Il faut limiter les salaires des riches. Mais c'est pas des riches. C'est pas des riches. Mais c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Quand François Hollande parlait des riches, on devient riche à partir de 4000 euros. Mais quelle idiotie. Je veux dire, un uber riche, c'est déjà quelqu'un qui... Enfin, son argent n'est pas en France, donc c'est déjà difficile de le capter. En plus, il ne paye pas ses impôts en France. Voilà. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas continuer avec ce fonctionnement-là. La taxation des GAFA, c'est pas évident, hein. On ne peut pas continuer. Et j'ai hélas l'impression que le truc s'est emmanché, mais salement, quoi. C'est-à-dire qu'il aide les riches, qu'il a aidé, que sa politique a aidé les riches, elle sert à aider les riches d'abord. Les super riches avec la flat tax, l'impôt sur la fortune, on le voit. Vous avez vu, comme moi, l'émission Cash Investigation. Vous savez à quoi servent nos impôts. Ouais, il y avait un article dans Le Parisien, c'était le 19, qui disait le jackpot des personnes aisées, une étude de l'INSEE qui risque de fâcher l'Élysée, dans laquelle on apprenait en effet que la suppression de l'ISF et la mise en place de la flat tax, vous le disiez, ont été un véritable jackpot pour les plus riches. Et voilà, et on nous a dit, ouais, ça va ruisseler, mais rejoue-moi-en de la trompette, ça ruisselle, zob, rien du tout, c'est resté là-haut dans la coupe, ça n'a pas ruisselé, mais c'est quelle escroquerie, après un an de rouleaux compresseurs, de fausses informations, de fake news, d'informations tronquées. On leur a mis complaisamment pendant des heures et des heures la soi-disant violence des gilets jaunes et qui malgré tout, aujourd'hui, au jour où je vous parle, sont encore 55% à apprécier le mouvement des gilets jaunes. Je vous dis pas. Thank you. 5 décembre est quelque chose d'étrange. Franchement, de quoi parle-t-il ? Les Français ont très bien compris. Il y a le feu au lac pour le gouvernement. Le 5, c'est la protestation de tout un peuple. Si vous cherchez la bagarre, bah, vous allez la voir. Hein. Certaines forces politiques jouent le désordre. Tous ceux qui franchissent cette ligne, au fond, sont les ennemis du droit de manifester et d'exprimer leur opinion. Benjamin Griveaux n'accréditerait pas ce média-là, c'est-à-dire le Média TV. Le président de la République qui voit une conspiration derrière le 5 décembre, Benjamin Griveaux qui refuse l'entrée de ses meetings aux médias. C'est le sommaire du numéro 55 du Petit Coup de Bourbon. La France retient son souffle. Le 5 décembre se jouera un tournant de notre histoire immédiate. À Amiens, où il était en déplacement en fin de semaine dernière, Emmanuel Macron est revenu à plusieurs reprises sur cette journée de grève et de manifestation. D'abord pour la dénigrer. Vous constaterez avec moi que le 5 décembre est quelque chose d'étrange. Parce qu'au fond, ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il va y avoir donc une mobilisation massive contre une réforme dont on ne connaît pas les termes exacts. Ce qui est vrai. C'est simplement parce que cette mobilisation est avant tout la mobilisation de salariés d'entreprises qui relèvent des régimes spéciaux. Donc c'est une mobilisation contre la fin des régimes spéciaux. Mais c'est l'engagement que j'ai pris devant les Français. Le message est clair, les Français sont de grands enfants qui s'agitent pour rien puisque le projet n'est pas arrêté. Et ils sont manipulés par ceux qui ont des privilèges à défendre. Une fois n'est pas coutume, l'argument a fait s'étrangler Olivier Faure, le patron des socialistes, qui appelle à manifester le 5 décembre. Je suis scandalisé, mais vraiment scandalisé à l'idée que le gouvernement explique désormais que ce serait la journée des privilégiés. Mais de quoi parle-t-il ? Franchement, de quoi parle-t-il ? S'il veut vraiment s'attaquer à un régime spécial, il y a un régime spécial qu'il a ouvert il y a 2 ans et demi. C'est le régime des grandes fortunes de ce pays. Eux, ils ont eu la fin de l'ISF et la flat tax. C'est 5 milliards par an que ça coûte à l'ensemble des Français. Ça, c'est un régime spécial. Et celui-là, il n'a pas entendu. Je n'ai pas entendu qu'il veuille l'abolir. Pour le reste, le régime spécial des cheminots, il est en voie d'extinction. On le sait tous très bien, puisqu'il y a eu des réformes en 2011, en 2018, etc. Enfin, donc, il y a eu des réformes successives qui ont déjà soumis, au droit commun, progressif, le régime des cheminots. Les régimes spéciaux. Est-ce que vous voulez supprimer le régime spécial des militaires ? Personne ne veut le supprimer. Même pas le gouvernement, qui lui considère qu'il faut continuer à valoriser ce régime spécifique. Pour les pompiers, pareil. Pour les gendarmes, pareil. Donc, alors de quoi parle-t-on ? On veut désigner à la vindicte populaire les seuls cheminots parce qu'ils font grève le 5 décembre. Le communiste Sébastien Jumel n'est pas en reste. Vous savez que la Macronie a déclaré la guerre aux privilèges. S'il s'agit des chômeurs, il faut qu'ils disent, ceux qui vont perdre avec la mauvaise réforme des allocations chômage. S'il s'agit des enseignants qui vont perdre 600 euros par mois dans le cadre de la nouvelle réforme des retraites, il faut qu'ils le disent. S'il s'agit des 800 000 personnes qui vont être percutées par la mauvaise réforme des APL, dont les étudiants, il faut que le gouvernement assume sa chasse aux privilégiés. Moi, je pense que l'INSEE vient de le dire, les privilégiés ne sont pas là, qu'ils figurent dans les 10%. Les plus riches, ceux qui ont été préservés par le président Macron. Et donc, il y a le feu au lac pour le gouvernement. Ils appréhendent le 5 décembre. Du projet de loi, on ne connaît que les ballons d'essai successifs lancés par les membres du gouvernement. L'exécutif semble vouloir jauger les forces en présence avant de se prononcer. Des hésitations que pointe Sébastien Chenu, le porte-parole du Rassemblement national. Les Français ont très bien compris ce que le gouvernement essayait de faire, c'est-à-dire il les amènera à avoir des retraites moindres ou à travailler plus longtemps. Je dis que les Français refusent ceci et que le gouvernement n'assume pas ce triste dessein. Or, ça donne le sentiment, effectivement, que plus personne ne comprend rien, puisque le gouvernement refuse d'assumer la réalité de ce qu'il est en train de mijoter. Même son de cloche chez Nicolas Dupont-Aignan qui dénonce l'utilisation de vieilles ficelles. Je crois qu'en fait, le président ne comprend pas que son vieux manège de dresser les Français les uns contre les autres ne marche plus. Parce qu'il suffit de comprendre que la réforme à points va léser tous les Français. Donc le 5, c'est la protestation de tout un peuple contre la destruction et la paupérisation des retraités. Quant à Jean-Luc Mélenchon, il met en garde le président sur les conséquences de son projet de réforme des retraites. Le gouvernement est dans un moment d'affolement parce qu'il n'a toujours pas réussi à régler, à purger, si je peux dire, la crise morale et psychologique et sociale qui avait été celle des Gilets jaunes, qui s'est finie et qui s'est effiloché, mais qui a surtout été marqué par une violence policière et judiciaire absolument sans précédent. Et cette plaie-là, cette blessure-là n'est toujours pas cicatrisée, que le voilà de nouveau à l'assaut du reste du pays, c'est-à-dire des braves gens qui arrivent vers l'âge de la retraite et se demandent avec angoisse quel va être leur sort. Nous lui disons, stop, arrêtez. Si vous arrêtez, vous avez une chance que les choses puissent se passer en bon ordre dans notre pays, c'est-à-dire dans le dialogue, la discussion. Mais sinon, bon, bah, si vous cherchez la bagarre, bah, vous allez la voir. Hein. Mais l'escalade présidentielle d'Amiens ne s'arrête pas là. Non content de réduire la manifestation du 5 décembre aux seuls régimes spéciaux, le chef de l'État brandit une seconde accusation, celle de la conspiration. Il ne vous aura pas échappé que ça fait quand même maintenant quelques mois que les uns les autres, parfois inspirés par des logiques politiques, politiciennes, ou par une vision de la société que je ne partage pas, veulent en effet, à chaque occasion, créer le désordre. Je pense que ça ne doit pas conduire à confondre les combats. Le syndicalisme est important dans notre pays. Le droit de manifester aussi, il faut qu'il soit respecté. S'il est respecté, il doit se faire dans un cadre. C'est le cadre de la non-violence, pour que les expressions des opinions puissent se faire en respectant l'ordre public. Tous ceux qui franchissent cette ligne, au fond, sont les ennemis du droit de manifester et d'exprimer leur opinion. Et je crois que toute formation politique, comme toute formation syndicale, s'honorerait à exprimer clairement ce distinguo. Il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas de respect. Il n'y a pas de liberté de manifester s'il n'y a pas d'ordre public qui est maintenu. Vous avez bien entendu, il y aurait des forces qui pousseraient à la violence. Et ce, depuis plusieurs mois, des comploteurs tapis dans l'ombre. Tremblez, bonnes gens. Accusation répétée un peu plus tard dans la soirée devant les caméras de BFM TV. Il y a malheureusement certaines forces politiques, certaines associations qui jouent le désordre et veulent la coagulation. Ce climat que certains essaient de créer de violence, je pense qu'il menace une chose avant tout, c'est la liberté de manifester, qui a une contrepartie, le respect de la liberté des autres et l'ordre public. J'ai demandé à Jean-Luc Mélenchon, à l'évidence dans le collimateur du président, ce qu'il répondait à ces accusations. Monsieur Macron a une étrange conception de la démocratie. Il pense qu'une fois qu'il est élu, il a tous les droits, il pense que l'Assemblée nationale ne sert à rien. Non, mais il rêve, ici, c'est la France, c'est une démocratie, une république, on a l'habitude de discuter, quand il y a un grand projet, ben ma foi, tout le monde s'y met, et à la fin, c'est le peuple qui tranche. Alors, je pourrais dire aussi que lui instrumentalise la souffrance des gens, instrumentalise la peur, instrumentalise la violence qu'il a déployée dans le pays pour faire peur aux gens, instrumentalise la pauvreté qu'il a déchaînée dans le pays pour essayer d'obtenir une sorte d'état de résignation des Français. Eh bien, il ne l'aura pas. Cette insistance du chef de l'État sur la violence interpelle. Elle peut s'interpréter de deux façons. Soit l'exécutif a l'intention d'encourager les incidents pendant la manifestation du 5 décembre afin de pourrir le message de la journée, ce qui compromettrait la reconduction de la grève. Soit il a peur que ne se répète à un an d'intervalle l'émeute du 1er décembre 2018 qui avait vu l'Élysée vaciller l'espace de quelques heures. Dans les deux cas, c'est la marque d'un pouvoir aux abois. Benjamin Griveaux, député de Paris, ancien porte-parole du gouvernement, est candidat à la mairie de Paris. Nous voulions évoquer cette candidature, comme nous l'avons fait avec de précédents candidats, Cédric Villani, Daniel Simonet ou Marcel Campion, et comme nous comptons le faire avec Anne Hidalgo, Rachida Dati et d'autres. Parce que les municipales à Paris s'annoncent très ouvertes et parce qu'une victoire ou une défaite du candidat macroniste aura des répercussions nationales. Lundi soir, avec Léo Le Gat, un des cadreurs du Média, nous nous sommes donc rendus au théâtre du Gymnase où l'ancien secrétaire d'État tenait sa première grande réunion. Le matin même, nous avions pris la précaution d'envoyer un mail au service de presse du candidat afin de nous faire accréditer. Mais une fois sur place, c'est une autre histoire qui a commencé. Nous sommes lundi soir et nous voulions assister au premier meeting parisien de Benjamin Griveaux. Il devait présenter 8 de ses candidats et entamer un dialogue avec la salle. Eh bien, ce ne sera pas possible. Figurez-vous que l'on vient de nous indiquer que l'organisateur de l'événement, donc Benjamin Griveaux, n'accréditerait pas ce média-là, c'est-à-dire le Média TV. Donc, l'entrée nous est refusée. Pour toute explication, la chargée de presse est bornée à nous répéter cette formule. Le Média TV. Ouais. Pourquoi ? On n'accrédite pas ce média-là. Malgré nos demandes, aucun responsable de la campagne de Benjamin Griveaux n'a daigné nous rencontrer. J'ai aussitôt rendu compte de notre éviction sur Twitter, ce qui a attiré l'attention d'un confrère de LCI qui s'est livré à sa petite enquête. L'équipe de Griveaux lui a confirmé nous avoir refoulés pour la raison suivante. Les liens entre la France insoumise et le média sont connus. ce n'est pas une presse d'opinion, mais de la propagande. À la question du confrère sur la présence future de titres comme L'Humanité ou Valeurs Actuelles, voici la réponse du Team Griveaux. L'Humanité est un journal d'opinion, Valeurs Actuelles une publication qui ne défend pas directement un parti, même s'il affiche des positions tranchées. Vous l'avez compris, le média est, selon Benjamin Griveaux, l'organe de la France insoumise. Eh bien non, monsieur le candidat, nous sommes un média engagé. Et nous le revendiquons. Mais nous nous sommes inféodés à personne, qu'il s'agisse d'un parti, d'un mouvement ou d'une association. Denis Robert ne reçoit aucune consigne, fût-ce par le truchement de l'ambassade du Venezuela. Nous nous déterminons selon nos propres valeurs, en toute indépendance. Dans le petit coup de Bourbon, Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise ne sont pas mieux traités que les autres formations politiques. Et certains militants ne se privent pas de nous faire savoir qu'ils le déplorent, surtout quand nous grattons. Où cela fait mal. Outre l'Humanité et Valeurs Actuelles, d'autres médias se réfèrent à d'autres familles de pensée. L'Opinion, journal de M. Bétou, brandit haut et fort la bannière du libéralisme. Le Figaro assume son étiquette de média conservateur. Les Échos professent un attachement certain à l'économie de marché et au monde de l'entreprise. Et CNews, la chaîne qui accueille Éric Zemmour, ne cache pas son ambition de devenir le Fox News français. Leur reproche-t-on d'avoir des grilles de lecture de l'actualité différentes ? Non, cela s'appelle le pluralisme, et ce pluralisme concourt à la bonne santé de la démocratie. La liberté de la presse ne se découpe pas en tranches, car alors la dite liberté cesse d'en être une. Enfin, cette décision de nous interdire l'accès du meeting est absurde. Je passe l'essentiel de ma semaine à l'Assemblée nationale et au Sénat. Tout le monde me parle, y compris les députés et sénateurs de La République En Marche, jusqu'à Gilles Legendre, le patron du groupe parlementaire. Aucun n'a visiblement le sentiment de s'exprimer dans un organe de propagande. Existerait-il un statut dérogatoire pour Benjamin Griveaux ? Faut-il faire la révérence, prêter allégeance ? Quoi qu'il en soit, avec ou sans lui, nous continuerons à suivre la campagne du candidat de La République En Marche. À bon entendeur, salut ! Merci d'avoir regardé cette émission. Pour nous soutenir, c'est par là. Los moros que trajo Franco en Madrid quieren entrar, mientras queden milicianos, los moros no pasarán. Mientras queden milicianos, los moros no pasarán. No pasarán, no pasarán. Que me tiré en el puente y también la pasarela, me verás pasar el Ebro en un barquito de vela, me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. No pasarán, no pasarán. Mil veces que los tiren, 10,000 veces los haremos. Tenemos cabeza dura, los del cuerpo de ingeniero. Tenemos cabeza dura, los del cuerpo de ingenieros. No pasarán, no pasarán. Se han hundido las banderas italianas, en los puentes solo quedan las que son republicanas, y en los puentes solo quedan las que son republicanas. No pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán. Cette affaire éclate le 22 août 1962. en début de soirée, lorsque le général de Gaulle, président de la République depuis 3 ans, quitte Paris pour rejoindre sa propriété de Colombey-les-Deux-Églises en Haute-Marne. En hélicoptère, pour des questions de sécurité, on craint des attentats sur la route. L'hélico, c'est plus prudent. Mais bon, les hélicos présidentiels ne décollent pas de l'Élysée. Il faut donc aller à l'aérodrome militaire de Ville-la-Coublée, dans les Yvelines. Et c'est ce que fait le général ce soir du 22 août. Il va à l'aérodrome de Ville-la-Coublée, en voiture, en DS, bien sûr. Lui et son épouse sont dans une première DS, avec le chauffeur, Francis Maroux, et leur gendre, le colonel de Boissieu. Et suit évidemment une deuxième DS, avec à son bord deux policiers et le médecin du général. Et devant et derrière, deux motards. Le convoi est maintenant tout près de Ville-la-Coublée, au Petit Clamart, très exactement avenue de la Libération, dans le centre-ville. Il est 20h20, le soleil est en train de se coucher, on est entre chien et loup. Le chauffeur, au passage, ne prête pas attention, bien sûr, à cet homme en imperméable et chapeau qui, quand le convoi passe devant lui, ouvre grand son journal, l'Aurore. Et pourtant, c'est le signal. Une seconde plus tard, peut-être deux, mais pas plus, deux hommes surgissent à l'arrière d'une estafette Renault jaune au carrefour. Ils ont chacun un fusil mitrailleur et ils ouvrent le feu sur la voiture du général. Le colonel de Boissieu à l'avant est le premier à comprendre. Bon, j'étais à l'avant de la voiture, à côté du chauffeur, et j'ai donc été le premier à apercevoir un homme à côté, sur la chaussée, avec une arme. Tout de suite, donc j'ai compris qu'il se passait quelque chose. Et j'ai crié une première fois à mon beau-père, « Père, baissez-vous !» À ce moment-là, on arrive près de l'homme, il dit « Je reverrai toujours » parce qu'il avait un visage complètement déformé, et je revois le canon de la mitraillette qui bouge comme ça, qui sursaute, il dit « Ça, c'est une image qui est marquée en moi », et puis tout éclate. Alors, on a des balles qui passent partout, le plafond intérieur, le revêtement intérieur tombe, les balles passent, en particulier, il y en a une qui passe entre les jambes du coupe présidentiel, puisqu'on trouvera la douille entre les pieds de Madame de Gaulle. Bon, et là, la voiture bouge, un peu éclate, Maroux me regarde, et je lui dis, d'un air de dire, qu'est-ce qu'on fait? Je lui dis, foncez, foncez, foncez. Ce qui a sans doute, effectivement, là, Maroux a été extraordinaire, parce qu'il a sans doute sauvé de Gaulle aussi. La DS est criblée de balles. Elle tangue, les pneus avant droit et arrière gauche explosent. Mais le chauffeur est un brave. Il appuie sur le champignon. Il évite de peu une panhard qui vient en sens inverse et qui franchit le carrefour. Mais voilà que sur sa gauche apparaît une DS et qu'à l'intérieur, deux hommes se mettent à tirer, eux aussi, toujours sur la voiture présidentielle. La vitre arrière gauche explose. C'est là que le général est assis. À l'arrière gauche. Mais pas question de s'arrêter. Le chauffeur de l'Élysée s'est plaqué sur le volant. Il roule à tombeau ouvert et sur la banquette arrière. Le général et sa femme sont maintenant carrément couchés. Mais indemnes. Et les gars dans la DS qui continuent de tirer une ou deux rafales dont les balles se perdent dans la nature. Et puis plus rien. Ils ont pris la fuite par une petite route à travers bois. L'attaque a duré 40 secondes, et je vous promets que 40 secondes, c'est long quand on vous tire dessus. 2 minutes plus tard, le convoi atteint l'aéroport de Ville-la-Coublée, sans jamais s'être arrêté. C'est un miracle, car figurez-vous que les assaillants ont tiré entre 150 et 200 balles au cours de cette attaque éclair. Un miracle. Il y a bien une balle qui a traversé le casque de l'un des motards, mais elle n'a pas touché son crâne. Sur les lieux de la fusillade, sur la route, il y a des douilles partout et des impacts sur les maisons et les immeubles. On roulait quand on a vu les flammes sur la rue et mon mari s'est arrêté et puis c'est tout quoi. Les flammes venaient d'où ? De notre gauche à nous, du petit taillis qui est en face là-bas. Elle venait d'une voiture ? Oui, d'une estafette jaune. Et il y avait des hommes derrière qui tiraient. Alors mon mari s'est arrêté. Et j'ai voulu sortir, à ce moment-là, ça s'est remis à tirer. Alors je me suis cachée, et mon mari m'a dit j'ai été blessée à la main. Et quand on n'a plus rien entendu, on a relevé la tête, à ce moment-là, on a vu l'estafette qui partait en direction de Paris, qui avait fait demi-tour. Sur l'aérodrome, au pied de l'hélicoptère présidentiel, la DS est une passoire. Et voilà le général qui ouvre la portière et déplie son mètre 94. Il regarde la voiture, il demande des nouvelles des uns et des autres, il époussette des éclats de verre sur sa veste et il dit « Cette fois, c'était en Jean !» De l'avantage d'être présidé par un militaire. Il en a vu d'autres, le général de Gaulle. Et d'ailleurs, dans la foulée, il enchaîne. Il passe en revue les 6 militaires au garde-à-vous qui l'attendent comme à chaque fois au pied de l'hélicoptère. Et il monte dans l'appareil et il décolle vers Colombey. Il ne fera pas d'autres commentaires. Pas le genre de la maison. On sait juste que le soir même, il a son premier ministre Georges Pompidou au téléphone et qu'il lui dit « Ah, mon cher ami, ils tirent comme des cochons !» Le général de Gaulle était imperturbable. Et jamais, ni un attentat, ni l'idée qu'il pourrait y avoir un attentat 8 jours ou 15 jours, n'ont en aucune façon modifié d'un iota son comportement. Et il considérait cela comme des péripéties. Au fond de lui-même, il manifestait une colère profonde en imaginant que les inspirateurs était à ce point aveuglé qu'il ne voyait pas le chaos dans lequel se trouverait la France au cas où ils aboutiraient à leur fin. Ils portaient donc sur eux, du point de vue national, un jugement sévère. Mais pour autant qu'il fût concerné lui-même, il était impassible. Ils tirent comme des cochons. Ils. Le général, c'est bien sûr qui a fait le coup. C'est pas son premier attentat. Un an plus tôt, le 8 septembre 1961, il a déjà eu la baraka. Cette fois encore, il allait à Colombey, en voiture, avec tante Yvonne. Et sa voiture, d'un coup, s'est retrouvée enveloppée par une grande flamme qui devait déclencher l'explosion d'une charge de 10 kilos de plastique. Par miracle, ça n'a pas explosé. La baraka. Déjà. Et ce premier attentat, c'était l'OAS, les partisans de l'Algérie française. Et celui-là, évidemment, c'est la même chose. Les mêmes réfractaires aux accords d'Évian, signés il y a 6 mois, qui rendent son indépendance à l'Algérie. Et d'ailleurs, quelques jours après l'attentat, des tracts se mettent à circuler à Paris, des tracts sans aucune ambiguïté. Les patriotes ont effectué le 22 août un acte de résistance visant à libérer la France d'un dictateur parjure qui conduit au déshonneur. Aujourd'hui ou demain, envers et contre tous, le traître de Gaulle sera abattu comme un chien enragé. Voilà ce qui est écrit sur ces tracts. C'est la brigade criminelle du 36 quai des Orfèvres qui est chargée de l'enquête. Europe 1, on de la traconte. Le 22 août 1962, au carrefour du Petit Clamart, le cortège présidentiel qui emmène le général de Gaulle vers l'aéroport de Ville-la-Coublay est pris dans une embuscade, attaqué au pistolet mitrailleur. L'attentat ne fait pas de victimes, ni même de blessés, mais c'est un miracle. Près de 200 balles ont été tirées. L'enquête s'oriente vers les activistes de l'OAS qui ne pardonnent pas à de Gaulle d'avoir donné l'indépendance à l'Algérie. Au 36 quai des Orfèvres, ce sont les commissaires Bouvier et Ottavioli qui s'y collent. Et d'emblée, ils partent sur la piste de l'OS. Mais à part ça, ils n'ont rien. Pas de nom, pas de description. Ils ne savent même pas combien ils étaient. Coup de peau, on retrouve l'estafette jaune dans un terrain vague et à l'intérieur abandonné en vrac, les pistolets mitrailleurs qui ont servi à l'attaque. Une estafette jaune. Ça ne passe pas inaperçu. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Avant, pendant ou après? Oui, des témoins l'ont vu circuler le jour de l'attentat. Et dedans, disent-ils, il y avait 3 hommes. Et sur les 3, et c'est un détail bien intéressant, il y en avait un qui boitait. Et dans la tête des policiers de la crime, ça fait tilt tout de suite. La boiteuse. Est-ce que ça serait pas la boiteuse ? La boiteuse. C'est un pied noir, l'un des membres les plus actifs de l'OAS. Et ça, c'est une sacrée piste. Et la boiteuse, on l'a vu entrer dans un immeuble à Meudon. La logeuse reconnaît que deux types se planquent là. Eh ben, il n'y a plus qu'à les attendre. Et à un moment donné, il y en a un qui rentre au bercail. Les policiers le cueillent, mais c'est pas la boiteuse. Il reconnaît qu'il est proche de l'OAS, mais l'attentat contre le général, il y est pour rien. Enfin, c'est ce qu'il dit. On le met au frais, bien sûr, et ensuite, l'enquête bénéficie d'un petit coup de pouce. À Lyon, deux jeunes se font contrôler au hasard par la gendarmerie. Le premier se fait remarquer parce que c'est un déserteur, et le second parce qu'à un moment donné, il dit assez naïvement aux gendarmes « Moi, à moi, moi je suis de l'OAS, moi !»« Ah, vous êtes de l'OAS ? Ben ça tombe bien, on a quelques questions à vous poser. » Les deux gars se retrouvent donc en garde à vue. Et celui qui se vantait d'être de l'OAS va se déballonner comme une baudruche. Il avoue qu'il faisait partie du commando du petit Clamart. Et là, autant vous dire qu'il ne moisit pas à Lyon. Il se retrouve le soir même au 36 quai des Orfèvres, dans le bureau du commissaire Bouvier. En 5 interrogatoires, il balance tout. La veille de l'attentat, une réunion de tous les gars du commando s'est déroulée dans un appartement rue de Vaugirard. Il les a comptés. Ils étaient 15. Et il balance tous les noms. Enfin, ceux qu'il connaît. Pour les autres, il se contente de descriptions. Ottavioli et Bouvier se frottent les mains. Il n'y a plus qu'à aller les cueillir, un par un. Et c'est comme ça qu'on arrête un certain Ducasse, un étudiant d'extrême droite. C'est dans son appartement rue de Vaugirard que s'est tenue la dernière réunion. Sauf que le Ducasse, il a eu peur. Au dernier moment, il s'est débiné. Il n'a pas participé à l'opération. On en arrête deux autres, à Montmartre, dans une belle américaine, une Chevrolet Bel Air. Comme voiture, on fait plus discret. Le premier s'appelle Alain de la Tocnay. C'est un breton, un nostalgique du régime de Vichy. Ça serait le numéro 2 de la bande. L'autre s'appelle Prévost, c'est un ancien para. Il a fait l'Indochine, il rentre tout juste d'Espagne avec de l'argent pour l'OAS. « Et qui est votre chef ?» demande le commissaire Bouvier. Son vrai nom, ils ne le connaissent pas. Ils l'appellent Didier. Il serait colonel ou général. Ils ne savent rien d'autre. L'armée procure à la police une série de photos d'officiers d'extrême droite. Les policiers les montrent aux gardés à vue. Et ils reconnaissent tout de suite leur chef, Didier. Et c'est du lourd, parce que le Didier en question est en fait le lieutenant-colonel Jean-Marie Bastien Thierry. Polytechnicien, ingénieur de l'armée de l'air, spécialiste des missiles, marié, 3 enfants. Les policiers vont le chercher, chez lui, en pantoufles, dans sa maison de Bourg-la-Reine. Il fouille la maison, avec l'impression très nette que le ménage a été fait. Mais pas bien fait. Au fond d'un tiroir de la commode du salon, les inspecteurs trouvent un petit morceau de papier, déchiré. Et dessus, il y a des coordonnées qui prouvent qu'il était au cœur de l'opération du petit Clamart. Alors, il passe à table. Oui, il était bien le chef du commando. De Gaulle, c'est le diable. Il a trahi la France. Il a abandonné l'Algérie. Sur l'attentat, il n'a aucun regret. Aucun. Une bonne conscience absolue. Sauf que c'est un colonel qui n'a jamais fait la guerre, jamais combattu. Pas plus d'ailleurs qu'il n'a mis les pieds en Algérie. Il est à l'image du commando. C'est un branquignol. Et grâce à lui, on va avoir des détails sur cette opération manquée, sur ce fiasco. Parce que tirer 200 balles sur un convoi et ne blesser personne, entre nous, c'est pas glorieux. D'abord, l'opération avait un petit nom, Charlotte Corday, du nom de cette femme qui a tué Marat en 1793. Bastien Thierry, c'est lui qui était au bord de la route, avec son journal, l'Aurore, et qui devait donner le signal en ouvrant grand son journal. Mais le convoi avait du retard et les tireurs ne l'ont pas vu ouvrir le journal. Ils l'ont vu trop tard, d'autant que le convoi roulait plus vite que prévu. Et pour ne rien arranger, la moitié des armes étaient trop vieilles et mal entretenues. Elles se sont enrayées. Et c'est pas fini. De la Tocnay, au volant de la Déesse Bleue, était censé couper la route au convoi. Il n'y est pas arrivé. Parce que ça, c'était le plus sûr moyen de tuer le général. Et la boiteuse, qui était dans la Déesse Bleue, porte ouverte, prête à tirer, quand la voiture a manœuvré, il a failli tomber. Des branquignoles, je vous dis. Des branquignoles. Dans les mois qui suivent, on arrête 8 autres membres du commando. Mais la boiteuse, lui, on ne l'arrêtera jamais. Et maintenant, il faut juger Bastien Thiry et ses complices. Europe 1, Ondelatte raconte. Le 22 août 1962, le général de Gaulle et sa femme sont victimes d'un attentat sur la route de l'aérodrome de Villacoublay. Au Petit Clamart, leur convoi est pris dans une embuscade. Par miracle, personne n'est tué. Derrière, on identifie assez vite un commando de l'OAS constitué de 15 personnes. À leur tête, le colonel Bastien Thiry et Alain de la Tocnay, leur chef. Pour les juger, ça sera pas la cour d'assises. Ce sera la cour militaire, un tribunal d'exception créé pour juger les crimes commis en Algérie. Sauf que là, on est en France, et que la guerre d'Algérie est finie. Alors on bricole, on réactive cette cour militaire juste pour juger cela. Le procès s'ouvre le 28 janvier 1963 dans un camp militaire de Vincennes. Il va durer 5 semaines. Les auteurs de l'attentat sont jugés pour tentative d'homicide volontaire avec guet-apens et tentative d'attentat contre l'autorité de l'État. Soyons clairs, ils risquent le peloton d'exécution. Les jurés, bien sûr, sont des soldats, 4 officiers et 1 sous-officier, bien raides dans leur uniforme. La cour militaire siège à Vincennes, dans une petite salle au rez-de-chaussée du Fort Neuf. Le prétoire est éclairé par des tubes luminescents qui donnent une lumière blanche et terne. Il n'y a pas de fenêtre et l'atmosphère n'est pas celle d'une cour d'assises, noble et solennelle, mais bien plutôt celle oppressante et contraignante d'un tribunal révolutionnaire. Le colonel Bastien Thiry, en chef, se lève droit comme un i. Il porte son uniforme de l'armée de l'air et il a dans la main une poignée de feuilles. On dirait qu'il prépare un discours ou une conférence. De fait, il va parler pendant 6 heures. 6 heures. Il joue sa tête. Je vais vous exposer en détail l'opération du 22 août 62. Nous ne sommes ni des fascistes, ni des factieux, mais des Français nationaux, Français de souche ou Français de cœur. Et ce sont les malheurs de la patrie qui nous ont conduits sur ces bancs. Je suis le chef de ceux qui sont ici, et j'assume à ce titre toutes mes responsabilités. Pour justifier le choix de la cible, le général de Gaulle, il cite saint Thomas d'Aquin. C'est le tyran qui est séditieux. Il se compare aussi aux généraux nazis qui ont voulu tuer Hitler. Il dit qu'à l'époque, on les a traduits devant un tribunal d'exception, mais qu'aujourd'hui, on les honore. Autant vous dire qu'il n'a strictement aucun remords. Il dit d'ailleurs qu'il a tenté 8 fois de tuer le général de Gaulle et qu'il a continué de piloter des attentats depuis qu'il est en prison. Alors le remords, n'en espérez pas. Nous avons entendu 8 témoins de la défense. 5 d'entre eux étaient des Français d'Afrique du Nord qui ont décrit à la cour les scènes de violence auxquelles ils ont assisté en Algérie. Ces témoignages, disent les avocats, sont importants car ce procès est directement lié à la guerre d'Algérie. Le président hausse les épaules, il ne semble pas d'accord, mais il laisse tout de même parler les témoins. Il y a aussi ce moment où, pour le simple plaisir de semer la zizanie, les conjurés tentent de faire croire qu'ils avaient une taupe à l'Élysée, qu'il est rencardé sur les allées et venues du général et sur l'immatriculation des voitures. Vantardise, probablement. La vérité, c'est que Bastien Thiry avait placé ce jour-là des gars sur les différents parcours possibles du président. Au chapitre « Plaisir de semer la zizanie », il y a aussi cet épisode dans lequel Bastien Thiry vient dire que Valéry Giscard d'Estaing, ministre des Finances et futur président de la République, avait son rond de serviette à l'OAS, nom de code 12B, et son ami Poniatowski aussi, 12A. Ça fait un de ces ramdam, vous n'avez pas idée. Il faut aussi que je vous raconte un autre moment plus cocasse. Quand les conjurés viennent expliquer qu'en fait, ils voulaient pas tuer de Gaulle, ils voulaient l'enlever. avec un argument en bois. Si les balles n'ont pas atteint le général, c'est que l'ordre était de tirer dans les pneus. Ça fait un peu sourire tout le monde. Et le président demande à Bastien Thiry : et qu'auriez-vous fait si de Gaulle s'était débattu ? Eh bien, nous lui aurions enlevé ses lunettes et ses bretelles. La seule évocation du général myope et tenant sa culotte à deux mains déclenche un fou rire général. Et qui dure longtemps. Et qu'attendiez-vous de cet enlèvement ? Reprend le président. Un choc psychologique, répond Bastien Thiry. Un sursaut de la nation, une prise de conscience. Lorsqu'arrive la fin du procès, c'est l'avocat général qui plaide en premier. Il demande la peine de mort pour 6 des conjurés, ceux qui ont préparé, organisé et bien sûr tiré, dont Bastien Thiry. Pour les autres, les petites mains, il demande des peines qui vont de perpète à quelques années de prison. C'est l'avocat Tixier-Vignancourt qui défend Bastien Thiry. Lui aussi est d'extrême droite, lui aussi est Algérie française, et il a le culot de commencer sa plaidoirie en disant « Vous avez devant vous un avocat, absolument pas un partisan !» Pas un partisan ? Tu parles ? Dans la foulée, il fait le portrait d'un De Gaulle machiavélique et il plaide la cause de l'OAS. L'OAS est né d'un contrat rompu. Il faut parler d'un cœur déchiré, d'un cœur meurtri. Cette population va venir parce qu'elle sent que le champ, la maison, le cimetière, tout cela est menacé par des forces mauvaises. C'est une attitude défensive, ce n'est pas une attitude offensive. Lorsqu'il est question de prononcer un dernier mot, avant le délibéré, les conjurés disent tous d'une seule voix « Nous n'avons pas de regrets, sinon celui de ne pas avoir pu remplir jusqu'au bout notre mission. » Ils assument. Ils assument jusqu'au bout. Ce qui n'arrange pas leur affaire, c'est qu'en plein procès, l'OAS tente un nouvel attentat à l'école militaire, en plein Paris, fomenté par la boiteuse, l'un des rares à ne pas avoir été arrêté. L'attentat est déjoué, mais ça va peser, bien sûr, sur la décision de la cour militaire, qui se retire à l'instant pour délibérer. Europe 1, 13h15, 14h. On de la traconte. Janvier et février 1963, on juge devant une cour militaire à Vincennes les organisateurs de l'attentat du Petit Clamart qui, 6 mois plus tôt, ont tenté d'assassiner le général de Gaulle au cours d'une embuscade dans laquelle ont été tirées plus de 200 balles. Les prévenus se revendiquent tous de l'OAS et à leur tête se trouve le colonel Bastien Thiry. L'avocat général a demandé la mort pour les 6 principaux acteurs de l'attentat. Les délibérations durent 2h40. Les militaires qui composent le jury regagnent leur place. Le président énonce le verdict. Le jury militaire a suivi au millimètre les réquisitions de l'avocat général. C'est l'avantage des tribunaux d'exception, il n'y a pas de surprise. 6 condamnations à mort. Le chef, bien sûr, Bastien Thiry, son bras droit, Alain de la Tocquenay, et Prévost, l'un des tireurs. 3 autres sont condamnés par contumace, ils sont toujours en fuite. 3 autres conjurés prennent perpète, les autres entre 15 et 7 années de prison. À l'annonce de ce verdict extrêmement lourd, les accusés ne mouffent pas. Pas un mot, pas une manifestation sur leur visage, rien. Du coup, les journalistes sont un peu frustrés. Il n'y a que dans la salle que ça bouge. La femme d'Alain de la Tocquenay crie « Assassin ! Assassin ! » Et dans le public, on entend « C'est un scandale ! Bourreau !» Il est 23h. 2 quarts pénitenciers attendent dehors, dans la neige. Les 3 condamnés à mort sont amenés à Fresnes, les autres à la santé. Ils n'ont aucun recours possible. Ni appel, bien sûr, ni même pourvoi en cassation. Il ne leur reste que la grâce présidentielle. Et évidemment, c'est pas gagné. Le général de Gaulle peut-il gracier ceux qui ont voulu le tuer ? Et d'ailleurs, qu'en pense l'opinion ? C'est intéressant parce que l'Institut de sondage IFOP avait fait un sondage juste après l'attentat. Les responsables de l'attentat doivent-ils être condamnés à mort et exécutés? Et les Français avaient répondu oui à 48%, une petite moitié. Mais dans un nouveau sondage, après le verdict, ils ne sont plus que 32%, un petit tiers, à défendre la mort des conjurés. Quand il formule sa demande pour Bastien Thiry, maître Tixier-Vignancourt utilise un argument qu'il n'avait pas utilisé jusque-là. Son client le lui avait défendu. Il le tente au dernier moment pour tenter de sauver sa tête. C'est un argument psychiatrique. Bastien Thiry a fait une dépression. Quelques mois avant l'attentat, il a été hospitalisé en psychiatrie. Mais ça n'émeut pas le général. Il ne pardonne pas qu'on ait visé son épouse et que les occupants de la Panhard qui venaient en sens inverse aient failli y passer. Et puis surtout, Bastien Thiry a porté la subversion jusque dans le prétoire. Il a porté atteinte à l'intégrité de l'État. Il doit donc être exécuté. Le 11 mars 1963, à l'aube, le procureur général vient réveiller Bastien Thiry dans sa cellule, à Fresnes, pour l'informer que sa demande de grâce a été rejetée. « C'est pas grave. J'étais prêt. J'étais prêt dès le premier jour. Et mes camarades ?» De Gaulle les a graciés. Dieu soit loué. Bastien Thiry enfile son uniforme, il refait son lit au carré, il saisit son chapelet et il est emmené vers le peloton d'exécution. Oui, Bastien Thiry repose maintenant au cimetière de Thiers, dans le carré des suppliciés. Pour lui, l'aube a été longue à venir. Il est mort à 6h40 dans un fossé du fort d'Ivry. Bastien Thiry avait été réveillé vers 5h ce matin. La présence de ses avocats, de l'avocat général et du directeur de la prison autour de lui ne lui ont plus laissé aucun doute. À 6h15, il a franchi la grille de Fresnes dans un fourgon cellulaire. Le convoi a parcouru à vive allure les 8 kilomètres qui séparent Ivry de Fresnes. À 6h35, le convoi, composé de 6 camionnettes de police entourées de plus de 30 motards et suivi d'une dizaine de voitures, est entré dans le fort d'Ivry. À 6h40, la salle va résonner dans l'aube naissante, c'était fini. Quelques instants plus tard, le convoi repartait pour le cimetière de Thiers, où a eu lieu l'inhumation il y a juste quelques instants. L'immense service d'ordre mis en place par endroits depuis 11h30 hier soir et surtout depuis 4h ce matin est démonté. Il ne reste plus que quelques agents autour du cimetière. Bastien Thiry sera le dernier fusillé de l'histoire de France. Les condamnations d'Alain de Latocnay et de Prévost ont donc été commuées en réclusion criminelle à perpétuité. Et ils partent purger leur peine au pénitencier de l'île de Ré. Mais ils n'y resteront pas très longtemps. En juin 1968, le général de Gaulle signe une amnistie générale pour tous les membres de l'OAS. Vous avez remarqué qu'il y en a un qui a échappé à la prison. La boiteuse. Et pourtant, on pense que c'est lui qui a tiré la balle qui a frôlé la tête du général. On l'apprendra plus tard, mais à un moment donné, il a été arrêté en Suisse. Et les Suisses, parce qu'ils risquaient la peine de mort, n'ont rien dit aux Français. Ils l'ont gardé quelque temps au secret dans une prison, et ils l'ont libéré, figurez-vous. Et ils l'ont laissé filer en Amérique du Sud, au Paraguay. Sur cette affaire, je vous conseille l'excellent docu-fiction « Il voulait tuer de Gaulle » de Jean-Teddy Philippe que vous trouverez sur Internet. Et vous pouvez aussi lire le récit de Jean-Noël Jeannet intitulé « Un attentat » aux éditions du Seuil. Il était à Teruel et à Guadalajara, Madrid aussi le vit au fond du Guadarrama. Qui a gagné, qui a perdu, nul ne le sait, nul ne l'a su. Qui s'en souvient encore, faudrait le demander aux morts. J'étais pas gros, je vous le dis, les yeux encore ensommeillés.